l'odeur de la galette saucisse. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Cette fumée déjà qu'on voyait au loin avant d'arriver au match. Il n'était pas question d'acheter autre chose. Ouais, ah, c'est des super souvenirs. Ouais. Et puis c'est chez nous, hein. C'est le bassin rennais. Hein. Ah, c'est clair. C'est 100% rennais. C'est un des emblèmes, un des porte-drapeaux du territoire. C'est le hot dog armoricain, c'est notre kebab à nous, en fait. Voilà. C'est la galette. Salut à tous et bienvenue au Galette Saucisse Sporting Club. Je suis très heureux de vous proposer ce premier numéro. Le concept, en quelques mots, mettre en lumière ceux et celles qui font de Rennes une des villes les plus sportives de France. Chaque semaine, vous retrouverez tous les résultats des principaux clubs et des interviews exclusives. Voilà, je pense que vous savez tout. Place au premier épisode. Et on commence par les bonnes nouvelles et le Rennes Volley 35. Les Rennais se sont imposés 3-7-1 à Ajaccio sur l'île de Beauté samedi soir et enchaînent une sixième victoire de suite en plus de conforter leur place de leader du championnat. Un match compliqué dans un contexte difficile qui démontre la force mentale du groupe qui accueillera les Portugais de Fonte-Bastardo en match retour de Challenge Cup mercredi soir. En volley toujours, les filles du REC se sont inclinées à Calais après un premier set accroché et perdu 25-20. Christelle Chotard et ses coéquipières ont cédé dans les deux sets suivants. Score final 3-7-0. La capitaine des Hermines a accepté de revenir pour nous sur cette déception. Bonjour Christelle, peux-tu nous raconter ce match à Calais ? Qui était super important hein, parce que c'était une équipe qui était classée juste au-dessus de nous avec deux victoires. Donc match hyper important pour prendre des points. On a fait un très bon début de match, on est bien rentré dans la partie. Et puis après, on est retombé un petit peu dans nos travers avec quelques fautes directes, un manque de communication parfois. Puis du coup, on a vu Calais revenir à notre hauteur. Et puis après, ça a été un petit peu le yo-yo, quoi. Elles ont marqué des points, elles ont pris un peu l'avantage, on a recollé au score, mais on n'a jamais réussi vraiment à passer devant. C'est dommage parce que c'était vraiment une équipe à notre portée. On a des difficultés, nous, pour conclure nos points. On les a laissés prendre en main le match et c'est vraiment une déception parce qu'on aurait espéré vraiment ramener quelques points de là-bas. Le score est sévère, hein. Enfin 3-0, je pense qu'on ne mérite pas 3-0 quand même. Est-ce que tu t'attendais à un début de saison aussi compliqué ? J'ai envie de dire oui et non parce que on savait quand même que ça allait être compliqué. C'est la première année, enfin voilà, qu'on évolue à ce niveau-là. Même si on a été renforcé en cours de saison, on savait bien hein, qu'il y avait quand même une marche qui était importante entre le niveau N2 et le niveau élite. On commence le championnat en plus amoindri parce qu'on avait des blessés. On a nos deux étrangères qui n'ont pas été qualifiées pour le premier match. Donc oui, c'est vrai que c'était compliqué. Après, sur certains matchs, par exemple le Valois, c'est un match hyper important et qu'on ramène pas de points non plus. On s'attendait quand même, je pense, à pas être qu'à une seule victoire à ce niveau-là de la saison, quoi. Le niveau est-il trop haut pour vous cette année en élite ? Trop haut. Notre collectif a beaucoup changé quand même. Ça a changé, donc c'est pas facile de recréer un groupe. Donc il faut un peu de temps. Là, on joue quand même de mieux en mieux. Je trouve que le groupe, il reste quand même solidaire malgré les défaites. Et ça, c'est quand même hyper important. Et on voit qu'on progresse quand même malgré tout. On essaye d'afficher au maximum un bon état d'esprit. On essaie d'être combatif sur tous les points. On lâche rien. Pour l'instant, ça passe pas. Voilà, on espère quand même pouvoir débloquer une victoire. Hein, mais en tout cas, sur les matchs retour, on jouera chez nous, le Valois chez nous, Calais chez nous. On espère en tout cas pouvoir avoir des points sur ces matchs-là qui seront aussi super importants. Justement, toi, la capitaine, comment tu t'y prends pour garder tout le groupe mobilisé ? Même si on enchaîne quand même les défaites, on essaie de garder un esprit positif. Et ça, notre coach, il nous le rappelle quand même très, très régulièrement. Il faut quand même garder un esprit positif, un état d'esprit de combativité, c'est quand même très important. Et c'est vrai que moi j'essaye au maximum de remobiliser le groupe. C'est sûr que c'est pas toujours évident hein, quand on sent qu'on peut faire mieux sur un match et qu'on n'arrive pas à faire évoluer le jeu en notre faveur. Il y a quand même de la déception. Après Calais, il y a eu vraiment de la déception pour tout le groupe. Hein. Mais ouais. On prend match après match. Celui-là, il est passé. Maintenant, on va penser au prochain, qui sera tout aussi important. Hein. Ça va être dur hein, parce qu'on a Sens qui est dans le haut du classement. Donc, ça va être compliqué, mais je crois qu'il ne faut pas baisser les bras et on espère quand même que ça va finir par payer. On bosse bien à l'entraînement. On a un groupe quand même qui est quand même intéressant. On a des choses à faire valoir. Donc, baisse pas les bras. Merci Christelle d'avoir accepté notre invitation. Et le Stade Rennais est à Dijon pour le compte de la 14e journée. Et les Rennais sont retombés dans leur travers. Les Rouges et Noirs ont livré une prestation inquiétante et s'inclinent 2-1. Après avoir pourtant ouvert le score en deuxième mi-temps contre le cours du jeu grâce au Brésilien Rafinha, les joueurs de Julien Stéphan ont reculé et cédé à 2 reprises. Les Rouges et Noirs occupent la 11e place du classement. Une semaine à 2 matchs se profile désormais avec un déplacement pour du beurre à Glasgow et la réception importante de Saint-Etienne dimanche après-midi. On écoute l'entraîneur du Stade Rennais, Julien Stéphan, très agacé après le match perdu à Dijon. On a fait un match en tout point très faible. Voilà. Donc ce soir, c'est un sentiment de honte qui prédomine par rapport à la prestation. Parce qu'il y a des gens aussi qui étaient venus nous supporter, qui étaient venus voir le match, parce qu'il y a des gens qui étaient devant leur télé et qui attendaient autre chose. On a failli dans tous les domaines, que ce soit sur le plan de l'engagement, sur le plan tactique, sur le plan technique, sur le plan athlétique aussi. L'équipe de Dijon nous a battu logiquement ce soir. Il faut qu'on arrête de se bercer d'illusions et qu'on prenne bien conscience que chaque match de Ligue 1 c'est difficile. Pourtant, c'est pas faute d'avoir prévenu depuis maintenant 10 jours que ce match-là allait être compliqué. Ça doit être une grosse alerte ce match-là pour nous. Il y a d'autres choses qui m'ont agacé aujourd'hui, notamment le manque de valeur affiché par l'équipe tout au long de la rencontre. Donc il y a beaucoup de choses à rectifier. Il y a une grosse remise en question à avoir. En National 3, la TRN s'est largement imposée sur la pelouse de Tréguin. Un match qui devait avoir lieu samedi avant d'être reporté au lendemain. Une victoire 5-1 qui permet à Alexis Poissonneau, auteur d'un triplé, et ses partenaires de reprendre la première place du groupe K. D'un carton à l'autre, on passe aux filles du CPB Bréquigny qui recevaient Sablé au premier tour fédéral de Coupe de France. Grâce notamment à un début de match canon, les Violettes s'imposent 6-0. On écoute Marine Massé, auteur du 3e but rennais. C'était un match assez intéressant dans l'ensemble. Dans le jeu, on était pas mal. Bon, après, c'est dur de se jauger. C'était plutôt une attaque-défense qu'autre chose. Après, on manque un peu de réalisme en deuxième. C'est dommage. Je pense que le score aurait dû être plus lourd. Mais après, dans le fond de jeu, c'était intéressant. Il faut qu'on continue comme ça pour la suite. C'était ce qu'on se disait aussi. C'est un peu la magie de la coupe. Essayer de tirer un gros au prochain, ça serait pas mal quand même. Le tirage au sort justement du deuxième tour fédéral, l'équivalent des 32e de finale, aura lieu ce mercredi. On passe au hand. En Pro League, Cesson Rennes a bien relevé la tête après son élimination en Coupe de France la semaine dernière. Les Irréductibles sont allés gagner à Nancy 25-24 grâce notamment à un gros match du gardien Ruben Spierre qui termine à 48% d'arrêt dont un déterminant en toute fin de match au buzzer. À noter également la prestation remarquable et remarquée de Mathieu Salou qui termine avec 8 buts, meilleur marqueur du match. Vendredi soir, Sylvain Hochet et ses coéquipiers, 4e du classement, recevront Massy, 2e pour ce qui sera le choc de la 11e journée. On passe au basket et qui peut arrêter l'Union Rennes cette saison? Déjà impressionnant en N2 où ils occupent seuls la première place devant Fougères. Les Rennais ont surclassé leur dauphin en Coupe de France ce coup-ci. Une victoire 87-54 qui en dit long sur la capacité et les ressources de ce groupe. Dans le reste de l'actualité sportive rennaise, on notera la défaite des hockeyeurs. Les Cormorans, pensionnaires de Détroit, ont perdu 6-1 au Blize face à Tours. En futsal, la TRN qui évolue de son côté en 2e division s'est incliné 4-0 à Pessac. Voilà, ce premier épisode touche à sa fin. Merci de l'avoir écouté. N'hésitez pas à partager l'émission si celle-ci vous a plu, à commenter, critiquer, conseiller pour la faire évoluer. Vous pouvez nous retrouver tout au long de la semaine sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram et Twitter. D'ailleurs, tous les résultats sont disponibles dès le coup de sifflet final dans notre story Instagram notamment. On se retrouve lundi prochain. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine à tous. We'll be right back.